Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Parthénon d'Athènes. La culture grecque est une continuation et que les symboles, ce symbole de marbre du Parthénon doit être ici. Ça veut dire le Parthénon avec les marbres représente la démocratie et la Grèce. C'est un véritable cri du cœur que lance Spyros Mercouri à l'émission Une heure sur Terre le 19 novembre 2010 comme président de la Fondation Mylina Mercouri qui se bat pour le rapatriement des marbres du Parthénon à Athènes. Il estime totalement inacceptable qu'une bonne partie des restes du Parthénon se trouve toujours au British Museum de Londres. Si le Parthénon est le grand symbole de la démocratie et de la civilisation grecque, de sa grandeur passée aussi, sa célèbre frise n'a pour lui qu'une patrie, la Grèce. Symbole éternel de cette culture qu'Alexandre exporte dans le monde entier, le Parthénon qui se trouve juste derrière moi et qui domine de sa splendeur la mythique cité d'Athènes. Dédié à la déesse Athéna, la protectrice de la ville, c'est le joyau de l'art grec. Ces 46 colonnes de marbre dessinent une symétrie parfaite et font du temple un modèle inégalé de beauté et de perfection. Dans l'Antiquité, ce bâtiment est alors bien différent de celui que nous voyons aujourd'hui. Il faut imaginer une débauche de statues et de fresques colorées. Mais le véritable trésor se trouve au cœur de l'édifice. Une gigantesque statue de la déesse Athéna, composée d'ivoire, de bois et de plus d'une tonne d'or. Avec ses 12 mètres de haut, cette sculpture aujourd'hui disparue est alors le chef-d'œuvre de la Grèce antique. Extrait de l'émission « Secret d'histoire » animée par Stéphane Bern. On entendait un extrait du numéro consacré à Alexandre le Grand diffusé à France 2 en août 2016. Pour nous guider dans cette visite du Parthénon que je vous propose de faire aujourd'hui, je reçois la spécialiste en histoire ancienne Évelyne Ferron, qui est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, qui enseigne également l'histoire au Collège Mérici de Québec. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. On entendait Stéphane Bern nous décrire un peu ce qu'était le Parthénon à l'époque, au moment de sa construction, nous dire aussi ce qu'il représentait à cette époque pour les Grecs. Aujourd'hui, Évelyne Ferron, que représente le fameux Parthénon pour les Grecs? Bien, pour les Grecs et peut-être pour le monde entier, il est une des grandes merveilles du monde parce qu'il y avait la liste des 7 merveilles du monde antique, mais récemment, on avait voulu faire une liste de 7 merveilles du monde, mais actualisé. Ouais. Le Parthénon est entré dans cette liste-là. C'était un des monuments chouchou et les gens voulaient que le Parthénon en fasse partie. C'est un des grands patrimoines de l'UNESCO. C'est un patrimoine mondial. Mais donc, pour les Grecs, mais aussi pour le patrimoine de l'humanité, c'est effectivement le symbole de cette Grèce qui a amené la démocratie, les idées démocratiques dans l'Antiquité, qui a amené un système qui était complètement révolutionnaire et novateur à l'époque. Mais c'est aussi tout ce qui va donner l'architecture classique, néoclassique. Je veux dire, on va copier tellement ces colonnades doriques très simples, mais qui sont du coup d'œil magnifiques, ouais, avec des lignes qui sont très pures. Cette architecture-là, on la voit partout autour de nous, partout dans le monde d'ailleurs, même en Chine, je veux dire, on copie le Parthénon. Que ce soit les bâtiments juridiques, que ce soit les bâtiments administratifs, il y a une question, je dirais, de statuaire. Là. On a quelque chose qui est magnifique si on ose copier un peu ce style du Parthénon. Donc un symbole très fort, mais plus que ça, une beauté réelle, un site encore aujourd'hui, un site qui en impose. Bien, par la Acropole. C'est sûr que de construire ça en plus sur une colline qui domine la mer et qui, bon, bien, quand le soleil sortait à l'origine, je veux dire, aujourd'hui, le marbre est à nettoyer, mais qui avait un éclat incomparable. Oui, c'est sûr qu'il y a une beauté par rapport à tout ça. Quand il y avait une statue, en plus, à l'intérieur, bon, Stéphane Bern le disait, une statue d'Athéna recouverte d'or, on pense à peu près 11 mètres, 12 mètres de haut. Ouais. C'est sûr que ce temple-là avait été fait pour être dédié à la déesse de la cité, mais avait été construit pour que les gens, justement, soient impressionnés et viennent à Athènes. Le but, c'était ça, c'était d'attirer les gens dans cette cité-là. Et ça marche encore aujourd'hui. Au début du 5e siècle, survient un événement qui change un petit peu la carte de la Méditerranée. C'est l'invasion de la Grèce par l'énorme puissance perse entre 490 et 480. C'est ce qu'on appelle les guerres médiques. Ce qui est très surprenant, inattendu, et ce qui fait la gloire d'Athènes, c'est que ce sont les petits Grecs qui vont triompher de l'énorme puissance perse. Et parmi les Grecs, c'est la ville d'Athènes qui a le plus contribué aux plus belles victoires que les Grecs ont remportées. Je mentionne simplement la victoire terrestre de Marathon en 490 ou la victoire navale de Salamine en 480. Les Athéniens sont majoritaires dans ces batailles. Du coup, les Athéniens vont sortir grandis de ces guerres médiques et Athènes va devenir finalement la capitale du monde grec, aidée aussi par son régime politique très très novateur dans le monde, qui s'appelle la démocratie athénienne, aidée aussi par des dirigeants hors pair comme Périclès. Finalement, Athènes va devenir la ville phare de toute la Méditerranée. Historienne Jeannick Auberger à l'émission L'Histoire aujourd'hui en octobre 1996. Poursuivons sur cette lancée de Jeannick Auberger, Evelyne Ferron, pour situer un peu le contexte dans lequel est construit le Parthénon. Où en est cette Grèce de Périclès au moment où, et où en est Athènes au moment où est construit le Parthénon? Au moment où est construit le Parthénon, on est quand même bien après, en fait, les fameuses guerres médiques, mais elles sont importantes dans l'histoire de la cité d'Athènes, mais dans l'histoire du bassin égéen en général aussi, parce que c'est la première fois que plutôt que de se battre entre Hélènes, entre Grecs, on se bat contre le barbare. Barbaros en grec ancien, ça voulait pas dire l'image que les Romains vont plus en faire de l'homme pas civilisé, un peu barbu qui sait pas comment se comporter. Ça veut juste dire qu'il n'est pas grec. Et ça, c'est le Perse. Et l'Empire Perse, c'est le premier empire universel de l'histoire. Je veux dire, ils couvrent l'Égypte à ce moment-là. Ils ont tout ce qu'on appelle l'Asie mineure. Ils sont rendus quand même assez loin. Ils vont approcher l'Inde. Ouais. C'est gigantesque. Ils ont une flotte de navires qui va jouer dans les 600-800 bateaux. Je veux dire, la Grèce, bon, c'est la phalange politique à l'époque. Et c'est là qu'Athènes s'est démarquée. C'est qu'Athènes, avec ce qu'on appelle la bataille navale de Salamine, s'est dotée d'une flotte qui lui a permis de gagner une bataille navale. Ça, pour l'histoire grecque, c'était une première. Et c'est ce qui a créé une certaine rivalité avec Sparte, qui était la cité qui était supposée être la cité militaire, la cité policière. Ouais. Alors, on est dans cet univers-là. Et l'Acropole, ben, c'est sûr que quand les Perses sont arrivés, ils ont détruit une bonne partie de la cité d'Athènes. Je veux dire, à l'époque de la bataille de Salamine. Et les vieux temples, ce qu'il y avait sur l'Acropole, ben, c'était déjà bon, plus ou moins en bon état. Alors, on est rendu dans les années 445-446 avant Jésus-Christ. Et là, on a ce stratège qui s'appelle Périclès, qui va avoir, dans un système démocratique, il faut que ce soit voté, mais il va faire passer l'idée que là, il est temps qu'Athènes montre en fait qu'elle est la grande puissance militaire, mais aussi la grande puissance intellectuelle du bassin égéen, puisque c'est une démocratie. On éduque la population à être des citoyens. Et symboliquement, que sur ces fondations, sur le reste de ces temples que les Perses avaient balayés du revers de la main, qu'on reconstruise la grandeur et la puissance de cette nouvelle Athènes, c'est avec ça? Une architecture qui va correspondre aux normes de l'époque. Donc, on va faire venir des gens qui ont des talents exceptionnels, dont le sculpteur Phidias, qui vraiment il va être reconnu. C'est lui qui a fait le Zeus d'Olympie, une des sept merveilles du monde. C'est lui qui va avoir la charge de tout ce qui est les sculptures du Parthénon et donc de cette statue d'Athéna qui va être un peu, qui est la grande patronne de la cité d'Athènes. Et le but, donc, de créer, de reconstruire l'Acropole, là, il y a le Parthénon, mais il y a aussi les propylées, les portes d'entrée. Bon, il y a quand même d'autres choses aussi sur l'Acropole. C'est un vaste projet. Il y a aussi le fait qu'Athènes est à la tête d'une ligue militaire qu'on appelle la Ligue de Délos. Elle protège beaucoup de petites cités-États qui ne peuvent pas se défendre si les Perses reviennent. Et ils versent un tribut, donc, de l'argent pour aider Athènes à préserver sa flotte. Et là, Périclès va avoir l'idée de déplacer ce trésor-là, Délos, vers Athènes. Alors, on s'est dit que l'Acropole va pouvoir protéger aussi ce trésor-là. Alors, il y a vraiment une forme de propagande. Il y a un égo qui vient avec Athènes. C'est pas juste qu'Athènes est un peu le centre de la Méditerranée et du monde égéen, c'est qu'elle se voit aussi comme étant la grande ville. Il va falloir que l'Acropole reflète C'est le symbole de cette grandeur, l'Acropole. 15 ans, ce chantier-là, à peu près. Vous avez parlé de Phidias, c'est une figure centrale. Ils seront quelques-uns. Qui sont les hommes, les principaux, en tout cas, derrière la construction du Parthénon? On a deux architectes, Ectinos et Callicratès, surtout, qui ont même laissé leur nom à certains endroits, parce que depuis les années 70, il y a quand même des grands projets de restauration du Parthénon. C'est très long, c'est encore en cours, mais on voit leur nom à certains endroits. On voit le nom même des artisans qui ont travaillé à certains endroits. Mais comme les pierres avaient été retournées, on ne les voyait pas à l'œil nu. Mais maintenant, quand on restaure, on peut voir ça. Donc, ce sont les deux architectes qui vont penser ce temple d'ordre dorique. Donc, ce sont ces colonnes très simples qui ont la forme un peu d'un bol de soupe qui soutient, en fait, des frontons triangulaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que que ces colonnes-là ne sont pas taillées dans un seul bloc comme un obélisque égyptien. Ce sont en fait des espèces de cymbales. C'est toutes des pièces et il n'y en a aucune qui peut aller sur une autre colonne. Elles sont toutes pensées pour une colonne seulement et elles ne sont pas nécessairement toutes égales. Donc, on ne peut pas aller prendre une pièce d'une colonne et essayer de la remettre sur une autre. C'est impossible. Tout est vraiment pensé à la pièce et c'est comme ça qu'ils vont réaliser quand même un temple de 70 mètres par à peu près 31 mètres. Donc, c'est gigantesque aussi, qui a l'air très droit. Mais pour donner cette impression-là de loin, quand on arrive de la mer ou qu'on est en bas de la colline qui est l'Acropole, dans les faits, on a fait pencher la structure vers l'intérieur. Donc, il est courbé pour donner vraiment l'effet visuel voulu d'un temple qui est parfaitement droit. Et ils vont réussir donc un chef-d'œuvre de l'architecture pour l'époque qui reste encore aujourd'hui le symbole de ce qu'est l'art, l'architecture. Classique. Temple rectangulaire avec cette grande statue au centre. Oui. En gros, c'est ça, le Parthénon. Bien, c'est un temple. C'est un temple pour les citoyens d'Athènes. Il faut comprendre que la religion à cette époque-là, déjà le mot est plus ou moins adéquat parce que les Grecs n'avaient pas vraiment de terme pour religion. Pour eux, le divin fait partie du quotidien. Ouais. Il est dans tous les éléments de la nature, dans les humeurs de la nature. Mais Athéna, c'est la protectrice de la cité d'Athènes. C'est une déesse guerrière aussi. Et c'est sûr que les gens vont faire des offrandes, vont se rendre au temple dans l'espoir qu'elle continue de protéger Athènes. Donc, la relation avec les dieux, c'est ça, c'est que si on est gentil avec eux, si on montre en fait qu'on est respectueux envers eux, ils vont nous protéger à être respectueux envers nous. Si on décide de commettre des sacrilèges envers le divin, ben on va vraiment payer pour aussi. Alors, c'est cette relation-là qui est établie avec le Parthénon en même temps. À quoi ressemble-t-il ce fameux Parthénon à l'époque? Parce que même si, je le disais d'entrée de jeu, ça reste un site formidable, mais malgré tout, ce qu'on voit aujourd'hui n'a plus rien ou très peu à voir avec ce que c'était à l'époque. À quoi ressemble à l'époque, au moment de sa construction, le Parthénon. On en parle dans un instant. Evelyne Ferron, mais on écoute d'abord Patrick de Carolis décrire une partie la plus prestigieuse partie du Parthénon, qui n'est guère plus à Athènes d'ailleurs, la frise du Parthénon, extrait de l'émission Le Grand Tour, diffusée à France 3 en octobre 2016. Cette frise a près de 2500 ans. Elle est l'œuvre du sculpteur Phidias et elle décorait entièrement le Parthénon. Alors, elle raconte les grandes Panathénées. Les Panathénées, c'était la fête religieuse la plus importante d'Athènes parce qu'elle célébrait la déesse Athéna. Et Athéna, c'était la protectrice de la ville. Et tous les 4 ans, cette fête prenait un caractère exceptionnel, d'où son nom, les grandes Panathénées. C'est une fresque, vous le voyez, qui mesure 160 mètres de long. 360 personnages y sont sculptés, on y trouve des centaines d'animaux, des chevaux, des bœufs, et elle est entièrement reconstituée à la fois de blocs trouvés ici sur l'Acropole et conservés ici en Grèce, et puis des moulages qui proviennent du British Museum et du Louvre. Tout au long du cortège, on retrouve des cavaliers, des jeunes menant des animaux au sacrifice, des musiciens, des vieillards tenant des rameaux d'olivier, des dieux assis qui discutent entre eux, des porteuses d'offrandes. Tous les acteurs de la vie religieuse de l'époque sont en fait représentés. Le Parthénon, c'est, bon, on vient d'entendre cette description de la frise qui est vraiment la pièce maîtresse du Parthénon, mais c'est plus que cette frise, le Parthénon. Parlez-nous un petit peu de ce que ça donne quand on le voit à l'époque. À quoi ressemble le Parthénon d'Athènes au moment de sa construction, Evelyne Ferron? Bien, une fois qu'il est terminé, surtout, il est vraiment impressionnant parce qu'on a cette fausse idée, cette fausse conception qu'il est en marbre blanc et que l'architecture classique, néoclassique, ça doit être blanc. Non, les Grecs vivent dans le marbre. Pour eux, c'est pas exotique. C'est la couleur qu'ils aiment. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, sur le marbre qui est poreux, en plus, sans, on pourrait dire, vernis chimique, c'est sûr que les couleurs se sont effacées. Ouais. Mais on sait aujourd'hui que le fronton triangulaire, le toit, en fait, du bâtiment était jaune, que beaucoup de sculptures étaient ceinturées de bleu et que le haut des colonnes était rouge. Alors, toute la base, oui, était blanche, mais le sommet, lui, était rouge. Alors, c'est sûr qu'il en jetait, comme on dit. Les couleurs qui reflétaient le jaune avec le soleil qui reflétait, ça donnait l'impression qu'il était en or, en fait, ce temple-là. Alors, il y avait une magnificence qui venait pas du blanc, qui venait du fait qu'il était polychrome. Ouais. Polychrome, c'est cette variété, en fait, de couleurs qu'on a sur ces monuments-là. Et là, ben, vous avez en plus ces sculptures qui ont l'air animées parce que c'est vraiment le début où on va vraiment créer la sculpture avec du mouvement. C'est difficile de faire sans sculpture, que ce soit en bas-relief ou en sculpture trois dimensions. Si vous voulez être bon dans une exposition pour analyser une sculpture, quand on se sent souvent perdu, observez s'il y a que du mouvement. Plus le mouvement est complexe, plus on a un sculpteur de qualité. Ouais. C'est là que Phidias, on parlait des cavaliers tout à l'heure, les chevaux sont cabrés. On voit vraiment les muscles des pattes que, lorsqu'ils sont en action. On essaie de montrer les abdominaux d'un dieu comme Dionysos qui boit un verre à un banquet. Dionysos, malgré sa vie supposément de banquet, avait un corps d'un athlète sur les sculptures, parce que c'est aussi ça, c'est l'époque où on va idéaliser le corps du jeune homme. Et pourquoi aussi on le représente souvent à demi-nu, le corps masculin, pas féminin, c'est que c'est un défi de sculpture. Faire une toge, c'est une chose, mais arriver à représenter des abdominaux de manière naturelle, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est aussi ça qui rajoute. Et c'est pour ça qu'on ces statues-là sont au cœur d'un grand débat. C'est qu'elles représentent vraiment ce que va devenir l'art classique et le début vraiment d'une sculpture de très grande qualité qu'on va redécouvrir à la Renaissance, qu'on va étudier à la Renaissance. Beaucoup plus que de l'architecture, un chef-d'œuvre de beaux-arts, en fait. Oui, littéralement, il y en a de la sculpture. Là, je veux dire, ça n'a pas pris tant que ça à arriver à faire quelque chose d'aussi spectaculaire. Attaquons-nous à ce que va devenir ce Parthénon, parce que vraiment, c'est très, très riche. Beaucoup de transformations au cours du temps. Ça commence quand et comment va évoluer ce site et ce temple? Il commence à être endommagé à l'époque romaine. Alors, rendu au 3e siècle, bon, la Grèce fait le bassin Égéen fait partie de l'Empire romain. L'Empire romain va commencer à vivre des difficultés et on a un problème de piraterie. Et il y a des pirates qui ont pillé la ville d'Athènes et qui ont endommagé le Parthénon. Donc ça, on sait ça à travers les sources qu'il y a déjà eu des dommages sur le bâtiment à partir du 3e siècle. Le coup de grâce vient de l'empereur Théodose. Donc on est au tournant du 4e siècle de notre ère. Il est le premier empereur chrétien. C'est pas Constantin, c'est Théodose qui fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Et c'est donc lui qui va dire ben, tout ce qui est temple païen doit être converti en église ou détruit. C'est ce qui explique qu'on a perdu le savoir des hiéroglyphes parce qu'on a détruit les anciens temples égyptiens où on avait les derniers textes qui nous permettaient de les comprendre. Ben, en même temps, le Parthénon, lui, perd son statut de temple et devient une église. Et là, pendant l'époque byzantine, eh bien là, le Parthénon, c'est une église. Et les colonnes à l'intérieur, ben, il y a des peintures, en fait, de scènes bibliques. Et jusqu'à temps que ben, là, les Ottomans arrivent et que la Grèce entre dans l'univers ottoman, dans l'univers turc et arabe, et qu'elle devienne, le Parthénon devient une mosquée. Il va même avoir un minaret là, sur le site. Alors, au 15e siècle à ce moment-là? Oui, et là, c'est sûr que quand les Turcs arrivent, eux, ils vont effacer toutes les peintures. Ils vont en fait reblanchir en fait, les colonnes pour faire disparaître tous les symboles chrétiens du Parthénon. Et là, vont lui donner son statut en fait, de mosquée. Alors, il a complètement changé d'apparence. On sait toutefois qu'au 17e siècle, il est encore pas mal, du point de vue de l'architecture, ce qu'il était à l'origine, parce qu'on a des témoignages de voyageurs turcs qui nous le décrivent, nous l'ont même dessiné, et on réalise que le toit, il est encore debout et il a la structure qu'on croyait qu'il avait pas mal dans l'Antiquité, bien que là, les peintures et tout ça, bon, ça a perdu de son éclat. Alors, on sait que dans les années 1600, il tient encore debout et la structure originale n'est pas trop endommagée. Ça va se gâter. Ça va se gâter. En 1687, on a une date précise, il y a un événement précis. Voilà. On est dans le contexte des guerres turques qui ont commencé là, vers 1682-1683. Là, il y a les Français qui sont mêlés là-dedans, les Vénitiens. Bon, on a un intérêt pour la Grèce à ce moment-là et les Ottomans ont utilisé le Parthénon comme réserve pour leur baril de poudre dans un contexte de guerre. C'est là qu'ils les ont stockés. Et le 26 septembre 1687, eh bien, les Vénitiens vont tirer des mortiers, littéralement, sur le Parthénon, ne sachant pas qu'il y a des barils de poudre à l'intérieur. Et là, c'est l'explosion. Bonjour, et on dégâts. Sait que là, ben, il y a trois murs qui s'effondrent. Et là, les statues et les sculptures de Phidias vont commencer à tomber au sol. Ouais. Alors là, vraiment, le Parthénon est éventré le 26 septembre 1687. Et c'est un peu ce qu'on en voit aujourd'hui, beaucoup plus que ce que c'était à l'origine. Ouais. Donc, on voit plus les résultats, en fait, de cette attaque-là, le 26 septembre 1687. Et le dernier épisode, c'est... on boucle un peu la boucle, on revient à ce pillage, en fait, des Anglais. C'est Lord Elgin qui débarque à Athènes au début du 19e siècle dans ses... Ruine, c'est peut-être fort, mais un peu quand même, et qui va repartir avec, entre autres, de grands morceaux de cette fameuse frise. Ah oui, il y a un de ces bateaux qui a coulé tellement il y avait de marbre à l'intérieur de ces bateaux pour apporter ça en Angleterre. On sait qu'il a réussi à obtenir un firman. Un firman, c'est un document officiel de l'Empire ottoman, des sultans, qui donne un droit particulier à un étranger. On sait qu'il a le droit, donc, en théorie, de faire des dessins, de récupérer ce qui est tombé par terre et tout ça. Il est parti vraiment avec deux navires pleins de sculptures, de marbre, de morceaux du Parthénon. Donc, les Turcs lui ont donné ce droit-là, du moins de ce qu'on on en sait. C'est contesté, ce document-là, encore aujourd'hui. Oui. Mais on sait qu'en 1812, les bateaux arrivent. Le gouvernement britannique achète, en fait, la collection parce qu'ils réalisent que c'est magnifique et vont demander au British Museum de s'en occuper. Donc, depuis 1816, c'est le British Museum qui a la propriété de ces magnifiques sculptures, entre autres de Phidias. Et c'est le début d'une controverse qui dure encore aujourd'hui. La Grèce réclame une nouvelle fois la restitution des frises du Parthénon exposées à Londres. Ces plaques et ces sculptures qui ornaient le célèbre monument à Athènes ont été saisies au début du 19e siècle par un Britannique, Lord Elgin, qui les a ensuite vendues au British Museum. Les autorités grecques réclament depuis des décennies que ces œuvres leur soient rendues. Ce lundi, c'est le président grec lui-même qui a exprimé cette demande. Il faudrait que les responsables du British Museum viennent et qu'ils voient la différence entre un musée lumineux, ici, et ce que j'appelle la prison obscure, où sont actuellement entreposés les marbres du Parthénon volés par Lord Elgin. Extrait d'un reportage d'Euronews diffusé en avril 2019. Ce débat-là n'est pas encore clos, Évelyne Ferron. Où en est aujourd'hui ce dossier du rapatriement des marbres du Parthénon? Il est stagnant. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de pression quand même de la part de la Grèce pour récupérer les marbres, mais le British Museum refuse, bien entendu, parce que c'est quand même dans les salles les plus visitées de son musée. Ça occupe quand même une section assez importante du premier plancher. Et d'ailleurs, ils ont une plaque à l'entrée de cette salle-là quand on entre pour voir les marbres, les sculptures, qui dit que elles doivent rester au British Museum parce que c'est là qu'il y a le plus de gens en fait pour les voir plutôt qu'en Grèce. Il y a un côté un peu, c'est ça, colonialiste, un peu encore impérial du point de vue du British Museum par rapport à ça. Mais c'est sûr que ça attire tellement de visiteurs qu'ils ne sont pas prêts à les laisser aller. Le fait que la Grèce a vécu des problèmes économiques majeurs, ben, c'est venu donner des arguments supplémentaires pour le British Museum, disant oui, vous avez un musée ultramoderne sur l'Acropole, on comprend, mais en même temps, votre économie est moribonde. Présentement, vous êtes obligé d'enterrer des sites archéologiques pour éviter le pillage parce que vous ne pouvez pas les fouiller ou même les superviser, ce qui est vrai. Alors, c'est sûr que c'est un jeu de ping-pong, mais le British Museum, il n'y a rien. C'est sûr qu'il y a eu plein de consultations légales qui ont été faites à voir est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, du point de vue des tribunaux, de les forcer à rendre ça, et non. Vu l'époque à laquelle ça avait été obtenu, le supposé firmand qui avait été signé par les Ottomans à l'époque est un document majeur dans cette saga-là. George Clooney s'en est mêlé quand il a tourné le film Monuments Men en disant il faut que les marbres retournent en Grèce, mais ça n'a pas suffi. Alors, c'est stagnant et il faudrait vraiment un changement économique majeur du côté de la Grèce pour que ça donne des arguments, je dirais, assez favorables à leur retour, malheureusement. Parce que c'est sûr que ces marbres-là seraient beaucoup plus beaux s'ils pouvaient être avec le monument d'origine, ça c'est sûr. Et c'est la grande question, au fond, au-delà des intérêts économiques qui sont réels et qui vont peut-être faire la différence, au-delà des intérêts, des questions légales, à qui appartient, à qui appartiennent ces marbres? C'est ça la grande question. C'est un monument de l'UNESCO, mais c'est sûr qu'en même temps, le British Museum, ben, ça appartient depuis 1812 à l'Angleterre aussi. Donc, c'est l'histoire de ces marbres-là, quelque part. Évelyne Ferron, spécialiste en histoire ancienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et enseignante d'histoire au Collège Mérissier de Québec. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.